Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'affaire Eliane Gonzalez. Yo diría que más bien lo tienen secuestrado, mi familia. Ils l'ont kidnappé, ma propre famille. Ils ne me laissent pas lui parler au téléphone. Como tuve bronca con ellos por teléfono, le tuve que colgar. Ils l'ont tout simplement enlevé. Me lo tienen secuestrado, se puede decir así. Le père du petit Eliane Gonzalez, Juan Miguel Gonzalez, le 25 novembre 1999, quatre jours seulement après que son fils ait été miraculeusement repêché en mer, à la suite du naufrage de l'embarcation sur laquelle il se trouvait, avec sa mère et avec une dizaine d'autres réfugiés cubains au large de la Floride. Le petit Eliane sera le seul à s'en sortir vivant. Son histoire fera vite le tour du monde, d'autant plus qu'il deviendra, bien malgré lui, l'objet d'un intense bras de fer entre Washington et la Havane. Alors que le père d'Eliane et le leader Maximo Fidel Castro veulent qu'il rentre à Cuba, la communauté cubaine de Miami, elle, insiste pour qu'il reste aux États-Unis auprès du grand-oncle qui lui a prêté refuge. Je me souviens quand l'embarcation a chaviré et quand je me suis retrouvé dans la mer. Sur la bouée, avec ma mère, elle me recouvrait et je m'endormais. J'étais à moitié déshydraté. Je m'éveillais de temps en temps et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvé seul. Tout le reste, le sauvetage, le transfert à l'hôpital, je ne me souviens de rien. Eliane Gonzalez, qui raconte les souvenirs de son naufrage de novembre 1999 à Jean-Michel Leprince en février 2015. Jean-Michel Leprince, correspondant de Radio-Canada pour l'Amérique latine, il est avec nous pour nous raconter cette histoire d'Eliane Gonzalez. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Parlons d'abord, on va revoir ensemble cette histoire-là, l'impact que ça a eu tout au cours de l'émission, mais cette entrevue, c'est pas rien. Ils avaient eu une entrevue donc en février 2015 avec lui, avec son père. Ils ont donné très peu d'entrevues à ce sujet. Comment vous avez réussi votre coup? Alors, il faisait partie des intimes, le père et le fils de Fidel Castro, parce que Fidel Castro fait partie de la famille des Gonzalez. Il est venu peut-être une dizaine de fois chez eux, s'installer, passer des nuits entières. Et donc, c'était deux personnages qui devaient, pour le documentaire qu'on a fait pour Radio-Canada et la télévision, nous parler de Fidel Castro tel qu'ils le connaissent. Et Fidel Castro, vu par ses proches, était le... Et une fois sur place, on leur a demandé si ça les dérangeait de parler de cette aventure d'Eliane Gonzalez. Ils ont accepté. Je les sentais un petit peu réticents, ouais. Surtout Eliane Gonzalez, mais le père non. Mais Eliane, oui, était réticent, mais il a accepté de bonne grâce quand même. Donc la porte d'entrée, c'était au fond une entrevue sur Fidel Castro, leur ami Fidel. Et exactement. Puis la porte d'à côté vous a permis d'explorer l'affaire. On ne pouvait pas manquer ça. Ben non, effectivement. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Eliane Gonzalez? Qu'est-ce qu'il représente à Cuba? Il finissait ses études d'ingénieur. Il a l'intention de travailler, il y est peut-être maintenant dans l'armée, dans les forces armées, mais comme ingénieur mécanique. Donc, il a fait une partie de ses études dans l'armée déjà, comme jeune cadet, disons. Donc, il va se consacrer à ça. Et c'est un jeune homme tout à fait normal et qui se veut normal. Son père l'a voulu ainsi, l'a protégé, l'a caché de la presse. C'est pas du tout régime ni Fidel Castro, c'est son père qui a décidé de le protéger. Et le père a dit, maintenant, je suis content parce que je vois ce qu'Eliane est devenu, c'est quelqu'un de bien. Mais pour les Cubains, est-ce que c'est une figure importante? Oui, parce que ça a marqué une époque et ça a marqué une victoire sur les États-Unis quand ça allait vraiment mal entre les deux pays. Depuis 1996, quand deux avions américains, de cubano-américains, ont été abattus par la chasse cubaine, donc sous Clinton, ça a été une affaire, c'était le retour de la guerre froide à ce moment-là. Donc c'est devenu un symbole d'Eliane Gonzalez. Ceci dit, le gouvernement américain de Clinton a tout fait pour rendre Eliane Gonzalez à son père. Donc c'est pas une victoire sur le gouvernement américain, mais c'est une victoire de Fidel Castro, des Cubains, partisans de Fidel Castro contre les Cubains de Miami qui veulent absolument garder le petit. Ouais. Revenons sur ce qui se passe carrément ce 25 novembre, le point de départ ce 25 novembre 99. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le 25 novembre, il est avec sa mère qui est séparée de son père. Et le père va, c'est la fin de semaine, va le chercher pour passer la fin de semaine avec lui et trouve personne à la maison. Et le lendemain, le 25 novembre, donc le lendemain même, il apprend le naufrage et que son fils a été retrouvé par des pêcheurs. Donc il l'a su très très vite. Il a dit que au départ, il a pris contact avec ses cousins, ses oncles à Miami et il n'y avait pas de problème. Il était sûr qu'ils allaient lui rendre l'enfant. Et après, il dit ça c'est compliqué. Ce qu'on entendait au début, politique. Là. Voilà. Quelques jours plus tard, 4 jours plus tard, il se rend bien compte, on ne veut pas me le passer au téléphone. On l'a kidnappé. Il se rend compte de ce qui vient de se passer. Ils ne veulent pas le rendre à son père à Cuba. Puis ça va créer cette crise politique sur laquelle on reviendra. À la suite de ce sauvetage, il va être recueilli par un de ses grands-oncles à Miami. Puis là, vraiment, va commencer ce qu'on va appeler l'affaire Elian Gonzalez. Le petit Elian Gonzalez, qui a fêté hier ses 6 ans à Miami, est au cœur d'une nouvelle crise politique qui n'est pas près de se résoudre entre la Havane et Washington. Le père du petit Elian, qui vit à Cuba, et Fidel Castro lui-même, exige le rapatriement immédiat de l'enfant qui a survécu miraculeusement le mois dernier à un naufrage d'immigrants illégaux recueillis en Floride. Sur les 14 boat people, la mère d'Elian, son beau-père et 7 autres personnes ont péri en mer. Le petit Elian a été récupéré par des proches de sa famille qui vivent à Miami et qui n'entendent pas le restituer. L'enfant lui-même a fait des déclarations contradictoires sur son désir de retourner ou de rester en Floride. Le gouvernement américain, pour sa part, a déclaré ne pas être intimidé par les menaces de Fidel Castro qui a accusé les États-Unis de séquestration. Les autorités américaines, qui renvoient selon un accord les boat people à Cuba, ont décidé que ce sera un juge aux affaires familiales qui tranchera à Miami. Extrait d'un reportage de Frédéric Castel diffusé le 7 décembre 1999. Jean-Michel Leprince, on entendait Elian Gonzalez vous raconter le souvenir qu'il a du naufrage comme tel. Oui. Ce qui suit, là, cette crise, ces tiraillements, quel souvenir en garde Elian Gonzalez? Alors, il en garde un très, très mauvais souvenir de ces gens qui voulaient le garder absolument. Il garde, par contre, un bon souvenir des gens qui l'ont aidé. Il y a une partie de sa famille qui était avec lui, qui était d'accord pour qu'il retourne. Et il y a des Américains qui l'ont aidé aussi. Toute l'administration, l'immigration, les agents de l'immigration qui sont allés le chercher. Il garde beaucoup de reconnaissance envers eux. Alors, c'est un sentiment vraiment partagé. Mm-hmm. Il nous a dit, j'aimerais bien revoir ces gens-là. Et bon, ça a été interprété par une chaîne américaine, NBC, comme quoi il voulait retourner aux États-Unis pour peut-être y rester, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il aimerait bien revoir ces gens qui l'ont aidé. Il y avait notamment l'acteur Danny Glover, entre autres, et puis des agents fédéraux. Alors, c'est un souvenir assez mitigé. Ouais. Et ces fameuses déclarations, Frédéric Castel parlait de déclarations contradictoires, veut-il ou pas rentrer à Cuba. Là-dessus, est-ce qu'il a souvenir de ça? Comment il justifie ces pseudo-déclarations? On me l'a fait dire et on lui a fait répéter. Il dit, allez-vous penser, il faut être stupide pour penser qu'un garçon qui a à peine 6 ans va être capable de maîtriser l'anglais après à peine quelques semaines, quelques mois. On lui a fait dire et c'est pas du tout ce qu'il pensait. Donc jamais, de toute façon, il a voulu rester. L'âge qu'il avait, non, il dit que jamais il a voulu rester. Bon. Fidel Castro, évidemment, ce sera un acteur clé dans cette affaire. Il va décider, le leader cubain, d'en faire une affaire d'État de cette affaire Elian Gonzalez. Le père d'Elian, que vous avez rencontré donc avec son fils Jean-Michel, vous a parlé de la façon, très très vite, hein, il est appelé à rencontrer Fidel Castro. Comment ça se passe? Alors, Juan Miguel, le père, a écrit d'abord, quand il a vu qu'on ne voulait pas lui rendre son fils, contrairement à ce qu'il pensait au départ, a écrit au ministère des Affaires étrangères. Et Fidel Castro l'a appris. Et là, il dit, il m'a convoqué en pleine nuit, à 11h minuit, à son bureau. J'ai dû me rendre à son bureau. Ils ont passé la nuit ensemble, ce qui est fréquent chez Fidel Castro, et ils ont parlé de l'affaire, de tout ça. Il dit, Fidel Castro m'a testé, voir ce que je pensais, est-ce que je voulais aller à Miami, rejoindre mon fils et y rester, parce que j'ai des membres de la famille. Il m'a offert carrément cette possibilité. Et quand il a vu que non, il voulait récupérer que je voulais récupérer mon fils et revenir à Cuba avec lui, il a dit, moi aussi, j'ai connu ça. Mon fils Fidelito, à l'âge de 5-6 ans aussi, est parti avec sa mère quand il s'est séparé de son épouse. Mirta Diaz-Balart, elle l'a emmené aux États-Unis, en Espagne, et il l'a lui-même fait venir après. Disons, pas kidnappé, enlevé, mais il a récupéré Fidelito. Donc il y avait une sympathie naturelle envers ce qui arrivait à Juan Miguel Gonzalez parce qu'il dit, moi, ça m'est arrivé aussi, ouais. J'ai perdu mon fils comme ça. Alors, et là, on a fait une affaire d'État, et avec tout ce qu'on sait, toute la fanfare qui a suivi. Il a quand même un objectif, Fidel Castro. Il sent bien qu'il y a une occasion pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'il en fait une affaire d'État? Quel est l'objectif pour lui, politiquement? Propagande, et puis c'est sa lutte éternelle contre les États-Unis. C'est Don Quichotte en face des moulins à vent, puis le moulin à vent, c'est... Oui, tout à fait, et c'est ça. C'est la lutte contre les États-Unis. Il faut savoir que ça va très mal. Clinton a essayé de raccommoder les choses un petit peu avec Fidel Castro, mais il y a eu cet incident des Hermanos al Rescate qui lançaient des tracts au-dessus de la Havane à partir de petits avions, et ils ont été, en 96, descendus par la chasse cubaine, sur l'ordre probablement même de Fidel Castro. Alors ça fait toute une affaire, abattre des avions civils, on ne sait pas trop si c'est dans l'espace aérien cubain ou en dehors, il y a une discussion infinie là-dessus. Donc les relations sont au plus mauvais à ce moment-là, c'est le retour de la guerre froide. Donc propagande évidemment pour Fidel Castro. Il cherche un bon coup en découdre à nouveau avec les Américains. Évidemment, ça va avoir un impact énorme, cette affaire-là, aux États-Unis. Auprès de la communauté cubaine de Miami, ces exilés, hein, il faut avoir en tête que ces gens-là, c'est des exilés cubains anticastristes. Ils vont s'organiser. Il y a tout un mouvement qui s'organise pour qu'Eliane reste aux États-Unis. Pourquoi une telle opposition au retour d'Eliane à Cuba? Je propose d'écouter le père Pedro Garcia et le professeur Piero Dlérésès de l'Université Johns Hopkins à l'émission Le Point, le 5 avril 2000. Les gens ici savent comment on souffre à Cuba. Il n'a pas de liberté, et on ne peut pas s'exprimer, il n'a pas de droits humains. Alors, retourner cet enfant-là, c'est retourner à l'esclavage, et à la manque de liberté, à la manque de droits humains. Et c'est pour ça, c'est-à-dire les gens qui ont souffert tout cela ne veulent pas que d'autres souffrent quand même. Ces débats existent uniquement à cause de la politique. Autrement, c'est évident que l'enfant devrait rentrer dans sa famille. Sa famille n'est pas Miami, sa famille est son père, ses grands-mères, là où il a vécu, etc. Et la seule raison pour laquelle il y a cette bataille, c'est pour démontrer que Cuba est un pays tellement hors la loi, tellement un pays paria, qu'au fond, un père qui vit à Cuba n'a plus le droit d'avoir son enfant. Alors, l'importance que ça... Elle sera grande, l'importance que ça aura, cette affaire-là, pour les Cubains de Miami. Ouais. Pourquoi? D'abord, quelle ampleur ça prendra, Jean-Michel, et pourquoi c'est si important pour ces Cubains qui vivent à Miami? Alors, parce que les Cubains, à l'époque, n'ont pas le droit de sortir de Cuba. C'est plus le cas maintenant. On peut avoir un passeport, sortir de Cuba, à condition d'avoir un visa pour aller quelque part, mais on peut sortir librement de Cuba. À l'époque, à cette époque-là, c'était pas possible. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que Fidel Castro a envoyé le père Juan Miguel à Miami avec un passeport. Il a dit « Vas-y avec ta femme, ta nouvelle épouse, votre bébé. » Ils auront aussi des passeports et vous pourrez rester aux États-Unis si vous voulez. Oui. Et Juan Miguel a dit pas question, on va rentrer, etc. Mais il y avait cette possibilité. Alors, c'est à Miami, c'est ressenti ça comme une preuve que les Cubains sont pas libres. Toute cette affaire, sont pas libres de sortir. Les balseros qui sont retournés après par la garde côtière, à moins qu'ils mettent le pied sur la terre ferme. Il y a cette politique de pied sec, pied mouillé. Si on arrive par la terre ferme, on a le droit d'asile aussitôt et au bout d'un an. Si on arrive en mer, on est retourner à Cuba. Donc il y a toutes sortes d'incohérences, il y a une atmosphère encore une fois extrêmement tendue entre les deux pays, mais à souligner encore une fois que le gouvernement américain de Clinton et Janet Reno, la procureure générale, étaient pour le retour dès le début de Eliane Gonzalez à sa famille. Pourquoi Jean-Michel? C'est logique, comme on vient de l'entendre, il devrait être avec son père, point, c'est aussi simple que ça. Bon, ça a été contesté devant les tribunaux, c'est allé jusqu'en Cour suprême qui a refusé d'entendre la cause, mais c'était confirmé en appel par les tribunaux. Il fallait qu'il retourne avec son père. Donc, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu ce fameux kidnapping des services d'immigration qui sont allés enlever par la force le petit Eliane Gonzalez qui était caché dans le placard avec son grand-oncle. Et c'était un épisode dont il se souvient énormément. Ouais. On est en 99. C'est, une espèce de retour à la guerre froide, cette affaire-là. Vous nous le disiez il y a quelques minutes. Mais ce n'est plus ce pic de la guerre froide. En 96, avec cette histoire de bombardement, les relations sont au plus mal. Mais quand même, il y a une évolution lente là, qui a commencé quand même à se faire entre ces deux pays, non? Entre les États-Unis et Cuba. Oui, il y a eu, avant cette affaire des avions, une tentative de Clinton de rétablir des relations un petit peu plus normales avec que ce qu'a fait Obama, là. Il y a eu une tentative, mais les avions ont fait échouer tout ça. Et on se demande d'ailleurs quel côté ne voulait pas que les relations s'améliorent. Il y avait des votes à Miami pour les deux partis politiques, démocrates et républicains, est extrêmement important. On peut se demander si l'affaire Elian Gonzalez n'a pas changé la face de la planète. Parce que vous vous souvenez, en 2000, les élections, novembre 2000, Al Gore s'est fait battre par George W. Bush en Floride, justement, par 537 voix. Et on peut supposer, sans trop se tromper, que les Cubains américains à l'époque étaient plutôt en faveur de ce que Elian Gonzalez reste en Floride avec sa famille américaine au lieu de retourner à Cuba. Donc, contre l'avis du gouvernement Clinton, Al Gore, qui est démocrate aussi, alors beaucoup de Cubains américains ont certainement voté contre les démocrates, pour W. Bush. Parce que pour eux, c'est très, très sensible, c'est très symbolique. On n'a peut-être pas assez insisté, mais encore une fois, ce sont des gens qui ont fui ce régime, ces gens qui font des manifestations dans les rues de Miami pour qu'Eliane reste en Floride. Il y a quelque chose pour eux de... C'est une vieille rancœur, c'est ça qui est en cause. Ah oui, tout contre à fait. Le régime de Fidel Castro. Et oui, à l'époque, c'était très fort. Miami, on n'arrêtait pas d'annoncer la mort de Fidel Castro plusieurs fois. Ça a été annoncé, démenti après. Bref, et on fêtait déjà dans les rues à l'annonce d'une fausse nouvelle. Donc c'était vraiment très dur. Et on ne se rend pas compte à quel point ça a changé, d'ailleurs, 16 ans plus tard. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ouais. C'est une autre génération aussi à Miami. Les anciens sont un petit peu moins durs, en tout cas moins nombreux. Et les jeunes s'en moquent un peu. Ils sont pour, maintenant, en grande majorité, des relations plus normales avec Cuba. Alors, on revient sur cette fameuse opération du 22 avril 2000. Vous nous le disiez, la justice américaine, c'est clair. La Maison-Blanche, c'est clair. Tout le monde est d'accord. On renvoie, sauf la communauté cubaine de Miami, on renvoie Eliane chez son père à Cuba. Pour y arriver, parce que la famille n'en démord pas, on ne veut pas laisser le petit Eliane partir, il y a ce raid, le 22 avril 2000, les autorités américaines qui organisent une opération, on va le chercher dans la maison où il est. Écoutez le récit qu'en fait Donato Dalrymple, c'est l'un des pêcheurs qui a participé au sauvetage d'Eliane, qui était dans la maison au moment de l'intervention des forces de l'ordre, le 22 avril 2000. I was inside the house sleeping and I heard what sounded to me, the rushing of soldiers' feet. J'étais dans la maison, je dormais. J'ai entendu le bruit des soldats qui entraient. J'ai d'abord cru que je rêvais. Puis j'ai entendu Eliane crier, « À l'aide! À l'aide! » Il ne comprenait pas ce qui se passait. Eliane s'est retrouvée dans mes bras. Je l'ai protégée. Un photographe de la Société de presse était là. On s'est caché dans le placard car on nous disait « Ils sont armés! Ils sont armés! » On a attendu autour d'une minute jusqu'à ce qu'ils défoncent la porte. Et là, ils ont pointé leurs armes sur nos têtes. Sur nos têtes! Ils m'ont arraché Eliane des bras et je leur ai dit « Ne faites pas mal aux petits! Ne faites pas mal aux petits! » J'ai réussi à les voir mettre une couverture sur la tête d'Eliane, malgré le poivre de cayenne dans mes yeux. Eliane criait, « Aidez-moi! Aidez-moi! » Chère Amérique, je ne sais plus quoi dire. Je continue de t'aimer. Je ne brûlerai pas ton drapeau. Mais je veux te dire qu'il devrait y avoir justice et réparation pour ce qui a été fait à ce petit garçon. Un extrait qui en dit beaucoup, beaucoup. Comment les Américains, Jean-Michel, vont réagir à cette opération du 22 avril 2000? Écoutez, c'est spectaculaire. Cet homme parle de la photo que la Société de presse a prise et on voit la panique sur le visage du petit garçon. Prix Pulitzer pour le photographe. Exactement. Mais on voit à quel point il était terrorisé. C'est intéressant parce qu'il dit, lui, qu'évidemment, il a eu la peur de sa vie à ce moment-là. Et il leur a dit « Libérez-moi, qu'est-ce que vous me faites ?» Et là, ils lui ont répondu en espagnol. Et ça ça a commencé à ce moment-là à changer pour lui. Et ils lui ont dit, on est des amis de ton papa. En espagnol, ils lui ont dit, on vient te chercher. Et nous, il nous a dit que pour lui, c'était un soulagement. Il a compris qu'il se passait quelque chose. Et il dit, si j'ai pas eu plus de séquelles à cause de tout cet événement-là, puis cette espèce d'enlèvement par les forces de l'immigration, en fait, la police de l'immigration, si j'ai pas eu de séquelles après ça, c'est parce qu'ils ont agi de façon extrêmement professionnelle. Et c'est ces gens-là qu'il aimerait revoir aux États-Unis. Donc, un sentiment, aujourd'hui, lui, son père, par rapport aux États-Unis, il y a un sentiment partagé, au fond. Oui, ambivalent. Bon, aucune envie d'aller vivre aux États-Unis. Le père, on lui a offert de l'argent, ceci dit. Beaucoup d'argent, plusieurs fois, quand il était à Miami, pour qu'il change de vie et qu'il reste, et il l'a refusé. Mais il voudrait revoir tous ces gens qui les ont aidés. Certaines églises aussi, les gens d'immigration. Ils ont beaucoup apprécié ce côté-là des États-Unis. L'impact que ça a eu, vous nous l'avez dit, très probablement, du point de vue américain, la différence dans l'élection présidentielle de 2000, en tout cas on peut le penser, à cause de résultats serrés, à Cuba. Quel impact ça a, cette affaire-là? Ça s'est terminé, disons, la controverse avec les États-Unis s'est terminée d'elle-même, mais Eliane González est revenue en héros. Elle a été accueillie par tous les enfants d'école, à l'avion, etc. Fidel Castro a attendu qu'il ait fini son cours scolaire, qu'il ait appris à lire, pour le rencontrer à ce moment-là. Et après ça, bon, il y a eu énormément de rencontres. Il était invité partout, il faisait partie de la famille, le père aussi. Donc, il y a cette histoire personnelle de relation entre les González et Fidel Castro qui a beaucoup duré. Et il reste encore un symbole de cette résistance cubaine aux méchants américains, etc. Lui-même n'aime pas ce genre de rôle de héros. Il n'aime pas ça du tout. Il préfère rester discret. Il n'aime pas trop qu'on rappelle ces choses-là et être fêté. C'est quelque chose qu'il déteste, c'est sûr. Un petit mot plus personnel, mais après avoir fait cette entrevue en février 2015, vous écriviez un texte, un blog, dans lequel vous disiez avoir constaté la tristesse dans le regard d'Eliane González. C'est ce que j'ai vu. Il est très animé, très, très amusant quand on lui parle comme ça, mais quand il ne fait rien, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de tristesse. Il semblait refermé. J'ai l'impression qu'il a dû garder des séquelles de cette aventure. C'était cauchemardesque. Il dit que non, il n'a pas de cauchemar. Mais il a surmonté ça. Ce sont des épreuves qui forment une personne. Mais il n'aime pas en parler, c'est clair. Il n'aime pas être fêté en héros pour ça. Et je suis à peu près certain que ça a laissé des séquelles. Et j'ai vu plusieurs fois, pas juste une fois, cette espèce de tristesse dans le regard. Bon, c'est mon avis, mon impression. Mais ça s'appelle la sensibilité journalistique. Ah, peut-être. Jean-Michel Leprince, correspondant de Radio-Canada en Amérique latine. Merci beaucoup, Jean-Michel. De rien. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de l'émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, la technique aujourd'hui Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.